Chapitre 18. Énigme. Il ne trouva aucun motif de croire qu'elle l'eût quitté sinon volontairement, ou que leur aventure depuis l'évasion de l'impasse Stanislas eût été surveillée par les espions de la meute. Il aurait juré qu'ils n'avaient pas été suivis jusqu'à la rue des Acacias, ni depuis. Leur itinéraire avait été trop long et intentionnellement trop compliqué. Lui-même avait déployé trop de vigilance pour qu'une filature quelconque pût exister sans qu'il n'en aperçût un indice à un moment ou à un autre. Par ailleurs, se disait-il, tout s'accordait à lui faire croire qu'elle ne l'avait pas quitté pour retourner auprès de Manon, envers qui elle s'était exprimée avec trop de sévérité pour justifier l'hypothèse qu'elle pouvait préférer sa protection à celle du loup solitaire. Au vu de ce raisonnement, s'avouait-il, on ne pouvait la blâmer. Il voyait bien que, illusionnée au début par un certain goût romantique, elle ne s'était pas rendue un compte exact qu'elle unissait son corps à celui d'un vulgaire malfaiteur avant le moment où il l'avait laissée seule dans le jardin. Alors, envahie tout à coup d'horreur, elle avait fui, avec égarement, à l'aveugle, il n'en doutait pas. Mais où ? Il la chercherait en vain, à leur rendez-vous convenu au Sacré-Cœur. Elle n'avait ni argent ni amis en Paris. À vrai dire, elle avait parlé de ses bijoux personnels qu'elle projetait d'engager. Sa première démarche à lui devait donc être aller au Mont-de-Piété, non pour s'imposer de nouveau à elle, mais pour la suivre à distance et empêcher une intervention de la part de Bannon. L'officine gouvernementale avait son attrait pour Lanière lui-même. Il y fut dès avant l'ouverture des portes, et, muni de prêts obtenus sur sa montre, son étui à cigarette et une bague ou deux, il se retira dans un café d'où l'on avait vu sur l'entrée de la rue des Blancs Manteaux et s'apprêta à une journée de guet. Ce n'était pas facile. Une somnolence bourdonnait dans son cerveau et alourdissait ses paupières. De temps à autre, à son insu, il dodelinait sur sa tasse de café noir. Et quand le soir venu, le Mont-de-Piété se ferma, il se leva et s'éloigna, se demandant si par hasard il n'avait pas fait un petit somme sans le savoir, et ainsi manquait la visite de Lucie. Ayant loué une vague chambre aux environs de la rue des Acacias, il dormit jusqu'à près de midi du lendemain, puis se leva pour mettre à exécution un plan qui avait jailli tout armé dans son esprit au moment du réveil. Il avait non seulement sa voiture, mais un brevet de chauffeur de longue date, au nom de Pierre Lamier. Il était libre, en somme, de parcourir à volonté les rues de Paris. Et après avoir eu recours aux bons offices d'un marchand d'habits et d'un parfumeur, il se sentit à peu près sûr qu'il faudrait de bons yeux de la part de la meute ou bien de celle de la préfecture pour identifier Pierre Lamier avec Michael Lagnard ou avec le loup solitaire. Du brun sur sa figure, ses oreilles et son cou, et une discrète application de rouge aux pommettes simulaient l'effet de l'exposition quotidienne aux intempéries hivernales de Paris, et il donna à ses mains une teinte encore plus prononcée, y adjoignant, pour plus de vraisemblance, des ongles en grand deuil. Par ailleurs, comme une barbe de deux jours hérissait son menton et ses joues, il s'abstint de se raser. Un holster d'un roux pisseux, avec la casquette de même, un pantalon élimé que décorait de singulières bandes couleur de plomb et des bottines rapiécées complétaient le déguisement. Quant à monsieur et madame de la conciergerie, il les enjola en leur racontant avoir vendu tout ce qu'il possédait pour acheter l'automobile et se mettre dans les affaires pour son propre compte. Avec leur bénédiction, il se mit en route pour explorer Paris diligemment et y chercher la femme à qui chaque battement de son cœur était consacré. Vers la fin du troisième jour, il était prêt à avouer qu'elle avait réussi à s'échapper sans son aide. Et il commença à soupçonner que Bannon avait également fui la capitale, car les recherches les plus assidues n'aboutirent pas à lui fournir le moindre indice que l'Américain eût assisté à l'incendie de l'hôtel Troyon. Quant à l'hôtel lui-même, il n'était plus à cette heure qu'une excavation béante, encombrée de cendres et de poutres carbonisées. Et bien que le bruit courut encore que la police s'intéressât à l'origine du feu, rien dans les journaux ne rattachait leur activité au nom de Michael Lagnard. Sa disparition, comme celle de Lucia Bannon, semblait également attribuée à la mort par incinération, et le fait qu'on n'avait pas retrouvé leur corps ne fournissait plus matière à commentaires. Bref, Paris avait déjà cessé de s'intéresser à l'affaire. De même, semblait-il, la meute avait cessé de s'intéresser au loup solitaire, ou bien son déguisement était impénétrable. À deux reprises, il vit l'élégant De Morbihan flâner sur les boulevards, et une autre fois, il passa tout près de Popineau, mais ni l'un ni l'autre ne le reconnurent. Le troisième jour, vers minuit, Lagnard, qui roulait à petite allure sur le boulevard de la Madeleine, remarqua une limousine d'aspect familier qui débouchait d'un coin, à peu de distance en avant, et qui, arrivée en face de chez Vielle, débarqua quatre passagers. Le premier était Wertheimer, et à la vue de ce personnage assez frappant, harnaché en une tenue de soirée faite pour Conduit Street ou Bond Street, Lagnard accéléra l'allure. Ayant mis pied à terre, l'Anglais se retourna pour offrir sa main à une jeune dame. Celle-ci, en toilette éblouissante et d'humeur rieuse, sauta sur le trottoir. Involontairement, Lagnard arrêta sa voiture. Celle qui le suivait obliqua aussitôt pour éviter la collision, et son chauffeur l'injuria abondamment au passage, tandis qu'un sergent de ville lui lançait un œil sévère, doublé d'un mot impératif. Il se ressaisit plus ou moins et remit les gaz. La jeune fille, escortée de Wertheimer, pénétrait dans le restaurant par la porte tournante, tandis que De Morbihan, qui était descendu à son tour, prêtait à Bannon un bras secourable. Tout à fait automatiquement, l'aventurier continua, dépassant la Madeleine, et remonta le boulevard Malesherbes. Paris, avec tout son brillant cortège de minuit, défilait sans obtenir de lui la moindre attention. Il n'avait guère conscience que des lumières, dont la ronde vertigineuse faisait autour de lui comme une multitude de dieux malicieux et moqueurs. À la bifurcation du boulevard Haussmann, un second sergent de ville le réveilla en l'avertissant qu'il conduisait mal. Il circula ensuite plus convenablement, mais la détresse la plus absolue régnait dans son cœur. Ses yeux offraient toujours une expression hagarde, et de temps à autre, il secouait la tête impatiemment, comme pour se délivrer d'un essaim de pensées importunes. Ainsi donc, semblait-il, il avait d'un bout à l'autre été la dupe de cette fille, tout le temps où il s'était évertué à la protéger du mal, et où il lui avait timidement révélé toutes les preuves de son dévouement. Elle n'avait cessé de se moquer de lui sous cap et d'envisager un retour à ce service qu'elle affectait de mépriser pour y faire son rapport concernant un nigaud dupé par lui-même. Une grande colère gonflait dans son sein. Faisant demi-tour, il revint en sens inverse jusqu'au boulevard de la Madeleine et, sous divers prétextes, réussit à se maintenir au voisinage du Vielle jusqu'au moment où le quatuor réapparut, un peu après 1 heure. Il était clair qu'ils avaient soupé joyeusement. La jeune fille semblait de la plus folâtre humeur. Wertheimer, un peu gai, De Morbihan, tout épanoui. Bannon même ricanait d'aise, tout en s'appuyant lourdement sur le bras du Français. La société se réempila dans la limousine de De Morbihan, qui les emporta vers l'avenue des Champs-Élysées, où elle s'arrêta devant l'Élysée Palace Hotel pour déposer Bannon et la jeune fille, sa fille, ou bien quoi. Où elle alla ensuite, Lagnard ne chercha pas à le savoir. Il roula mélancoliquement jusqu'à chez lui et alla se coucher, mais resta s'endormir durant de longues heures. L'amertume de sa désillusion rongeait son cœur comme un acide. Malgré toute son angoisse, son esprit demeurait indécis. Il avait tourné le dos à l'art où il était passé maître incontesté pour l'amour d'une femme. Pour la même cause, se disait-il, il s'était voué à la pauvreté et à un labeur honnête, et le peu de privations qu'il avait déjà endurées lui était odieusement désagréable. L'art du lot solitaire, sa ruse et sa subtilité consommée étaient encore à sa disposition. N'ayant plus que lui-même à qui penser, il avait un profond mépris pour l'hostilité de la meute, et par ailleurs, nul ne connaissait mieux que lui les richesses de l'insoucieux Paris qui pouvaient être détournées dans ses poches. Il suffisait d'un pas hors de la voie qu'il avait choisie, et demain soir, il pourrait dîner au Ritz, et non plus dans quelque infâme gargote pour cocher. Et puisque personne ne s'en souciait, puisqu'elle avait trahi sa confiance, qu'importait? Pourquoi pas? Mais il ne réussissait pas à prendre une décision. Le lendemain encore, il s'obstinait à poursuivre la ligne de conduite qu'il s'était tracée avant sa désillusion accablante. Comme ses fonds baissaient rapidement, et que la simple prudence, à défaut de motifs plus élevés, interdisait d'aller regarnir son portefeuille par une visite au petit rez-de-chaussée de la rue Roger et à ses trésors, Il avait résolu de faire adapter un compteur taximètre à sa voiture et de rouler moyennant salaire jusqu'à ce que le temps ou le hasard vînt se résoudre le problème de l'avenir. De même, il avait rempli les formulaires réglementaires et reçu l'autorisation de convertir sa voiture de remise en taxi auto. Et quand il amena celle-ci au dépôt indiqué, on lui promit que le compteur serait posé pour 4 heures. En y retournant à cette heure-là, il apprit que ce ne serait pas terminé avant 6 heures. Et trop impatient et agité pour tuer ses 2 heures dans un café, il se mit à errer sans but, par les rues et les boulevards, sans se soucier s'il était ou non reconnu, et par hasard, il finit par déboucher de la rue Saint-Honoré sur la place Vendôme, et de là, dans la rue de la Paix. La sagesse lui interdisait de poursuivre dans cette voie périlleuse, et Lanière le comprit. Néanmoins, il continua. Il était 5 heures passées. Le crépuscule s'assombrissait sous les nuées obscures. L'animation dans cette rue-là était à son comble. Tout ce que Paris renfermait de richesse et d'élégance défilait entre les 2 trottoirs. Il eût fallu l'âme d'un stoïcien pour rester indifférent à l'attrait de son spectacle. Marchant d'un pas ferme, l'homme vieux Ulster d'un roupisseux coudoyait presque ceux dont quelques jours plus tôt il avait été l'égal, des hommes bien vêtus, frais et dispos, à la mine fleurie, et des femmes exquises, délicieusement toilettées, extravagamment surchargées de fourrures et de bijoux, au visage radieux et aux yeux pleins de mystère et de promesses. Vivante créature, dont le rire était une douce musique, mais dont les gestes étaient fiers et hautains. Tous, sans exception, regardaient derrière lui, au-dessus, autour et au travers, sans paraître s'apercevoir de son existence. L'asphalte de la chaussée, rendu par l'usage aussi lisse que le verre, et non moins dur ce soir grâce à la gelée, résonnait haut et clair sous les fers des chevaux, par-dessus la basse des moteurs. Des lampes par myriades emplissaient la large voie d'une illumination diffuse. 2 interminables rangées de magasins se faisaient face, des 2 côtés du flot, exhibaient leurs richesses que des rois auraient convoitées. Devant une vitrine à un angle de rue, Lanière s'arrêta sans le vouloir. C'était le magasin d'un bijoutier fameux. Séparé de lui par l'épaisseur de la glace, il y avait là un trésor princier. En regardant par-delà cet étalage, il fixa son attention sur l'intérieur d'un énorme coffre-fort dans lequel un élégant vendeur français replaçait des plateaux de velours chargés d'objets précieux. Lanière examina en connaisseur le mécanisme puissant et compliqué de la porte du coffre, avec un regard attentif, non tout à fait vierge d'intention ironique. Le meuble avait bien l'aspect rébarbatif d'une forteresse qui, une fois refermée, deviendrait inexpugnable à quiconque ignorait la combinaison et ne disposait pas du loisir d'en user. Mais qu'on laissât 20 minutes le loup solitaire en sa présence, 20 minutes de tranquillité assurée, et lui, le seul homme au monde capable de forcer une serrure à secret et de la laisser en apparence inviolée. Sur un côté de cette vitrine, il y avait un miroir, disposé obliquement. Et soudain, Lanière y vit son visage, une apparition ave et famélique, avec un air de loup qu'il n'avait jamais eu quand il portait son surnom, et ouvrant des yeux où luisait le désir. Saisi d'inquiétude à l'idée qu'un passant pourrait le remarquer, il se détourna et s'éloigna en hâte. Mais il avait l'esprit empoisonné par cette brutale révélation de l'abîme qui se creusait entre le loup solitaire d'hier et le Pierre Lamier d'aujourd'hui, entre Michael Lanière le débonnaire, l'amateur de beaux-arts et de beaux vêtements, le fier pourfendeur de gentleman cambrioleur, et ce maigre, hâve, débraillé et piteux animal qui l'avait regardé du fond de ce miroir de bijoutier. Par un instinct analogue à celui qui pousse le dipsomane à détourner les yeux des barres et à passer rapidement, il accéléra le pas et s'enfonça au hasard dans la rue d'Aunou vers l'avenue de l'Opéra. Mais cela ne fit qu'empirer les choses pour lui, car il ne put éviter de reconnaître les fenêtres à l'illumination discrète de ce café de Paris qu'il connaissait si bien et de se rappeler ses nappes éclatantes, son argenterie et ses cristaux, sa luxueuse atmosphère tiède et parfumée, sa musique et sa cuisine sans égale, même dans Paris. Et la vérité lui apparut. Il avait faim, non de cet appétit grossier qu'il avait dans sa poche les moyens de satisfaire, mais du désir d'aimer délicat et des vieux vins du cru, du désir de connaître une fois de plus la douce étreinte d'un habit de soirée et de respirer à nouveau l'atmosphère de l'aisance et de la considération. Puis, pris d'un effroi soudain, il traversa l'avenue en hâte et fonça vers le nord, résolu à ne plus se laisser tenter par des spectacles et des bruits si alléchants et si troublants. Comme il traversait le boulevard des Capucines, il faillit se faire écraser par un taxi, se trouva un moment isolé sur un refuge et y attendit qu'une poussée dans la presse des voitures lui permît de gagner l'autre trottoir. Enfin, l'agent du milieu du boulevard fit un signal avec son bâton blanc. Le courant des véhicules allant vers l'est s'arrêta et commença à se resserrer vers la droite du croisement sur lequel il s'efforçait d'empiéter. Et un taxi qui arrivait, voisin du refuge, dépassa la limite, s'arrêta court et se mit à reculer en deçà. Avant que Lanière eût pu faire un mouvement, la portière était en face de lui et il regardait à l'intérieur, sidéré. Il y avait assez de lumière pour lui permettre de bien distinguer la figure de l'occupante, dont les yeux s'attachaient sur lui comme fascinés. Elle resta tout d'abord immobile, et puis une de ses mains gantées de blanc se porta mi-défaillante vers son sein. Cela le décida. Soulevant malgré lui sa casquette, il recula d'un pas et fit mine de s'éloigner. Là-dessus, elle se pencha en avant avec vivacité vers la portière et la lui ouvrit toute grande. Sans presque savoir ce qu'il faisait, il obéit à l'invitation muette, monta, prit la place vide et referma la portière. Presque aussitôt, la voiture se remit en marche avec une secousse. La jeune fille se laissa retomber dans son coin. On lui dit hors d'haleine, comme si son effort pour paraître calme avait presque épuisé ses énergies. Son visage tourné vers Lanière se perdait dans la pénombre, immobile et indéchiffrable. Ses yeux seuls brillaient, avivés par l'attente. De son côté, Lanière se sentit désemparé, sans remède, sous l'étreinte d'une émotion qui lui permettait à peine de parler. Il n'en revenait pas de ce qu'elle lui ouvert cette portière, non moins que ce qui lui était lui-même entré. Il percevait confusément que tous deux, ils avaient agi sans préméditation, et il se demandait si elle ne regrettait pas déjà cette faiblesse passagère. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» s'entendit-elle demander tout à coup, d'une voix enrouée, contrainte et méconnaissable. Elle se roidit légèrement d'un geste nerveux des épaules. « Parce que je vous ai vu, j'ai été surprise, j'avais espéré, je croyais que vous aviez quitté Paris. » « Sans vous, jamais. »« Mais il le faut, appuya-t-elle. Vous devez partir aussitôt que possible. Paris ne vous vaut rien. »« Je suis en bon état, répliqua-t-il, sain de corps et en pleine possession de ma raison. »« Mais d'une minute à l'autre, vous pourriez être reconnu. »« Dans cet accoutrement, c'est peu probable, et peu m'importe d'ailleurs. » Elle examinait son costume avec curiosité, sans comprendre. « Pourquoi êtes-vous habillé de la sorte ? C'est un déguisement ? Et un fameux. Mais en fait, c'est la livrée nationale de ma présente condition. Que voulez-vous dire par là ? Seulement ceci. En quittant mon ancien métier, j'ai recouru au premier venu. Je conduis un taxi. N'est-ce pas terriblement risqué ? Vous le croyez ? Mais non. Peu de gens se donnent la peine de regarder leur chauffeur. Quand on hèle un taxi, on est pressé en général. On court à ses affaires ou à son plaisir. Et puis, notre uniforme est en soi un déguisement. Aux yeux du public, nous avons l'air d'autant de Chinois. Vous vous trompez bien. Je vous ai reconnu tout de suite, n'est-il pas vrai? Et les autres, ils sont aussi vigilants que moi, sans nul doute. Ah, vous n'auriez pas dû rester à Paris. Je n'en pouvais partir sans savoir ce que vous étiez devenu. Je le craignais, avoua-t-elle. Alors pourquoi? Oh, je sais ce que vous allez dire. Pourquoi me suis-je enfui d'auprès de vous? Je ne puis vous l'expliquer, ou plutôt, je ne sais comment le faire. » Elle tenait son visage détourné, regardant vaguement par la portière. Mais comme il restait sans répondre, en réalité il ne savait que dire, elle se retourna pour l'observer, et l'éclat d'un lampadaire qu'on dépassait lui montra qu'elle avait le visage infiniment navré, la bouche contractée, les sourcils froncés, les yeux emplis d'une inquiétude suppliante. Quand il la vit si tourmentée et si malheureuse, son indignation tomba tout à coup, et en même temps, tous ses doutes au sujet de la jeune fille se dissipèrent. Confusément, il devina qu'il y avait quelque chose derrière ce sombre tissu de mystère et d'incohérence, de toute façon inexplicable pour lui, qui excusait tout l'apparent manque de foi et la versatilité de Lucie. Il lui suffisait de la regarder et d'entendre sa voix pour se persuader que nul cœur au monde n'avait jamais battu aussi franc et bon, aussi loyal et affectueux que le sien. Il sentit une onde de tendresse et de pitié envahir son cœur. Lui-même n'existait pas. Son amour-propre ne comptait plus. Rien n'importait, aussi longtemps qu'il lui épargnait un petit remords de conscience. Il lui dit avec douceur « Je ne voudrais pas que nous vous fassions de la peine à mon sujet, mademoiselle Bannon. Je comprends fort bien qu'il doit y avoir des choses que je ne puis comprendre. Vous deviez avoir eu vos raisons d'agir comme vous l'avez fait. » « Oui, » fit-elle avec Eugène, et détournant toujours les yeux. « J'en ai eu, mais elles ne sont pas faciles. Elles sont même impossibles à expliquer. Surtout à vous. Et puis, tout compte fait, je n'ai pas le droit d'exiger une explication. « Oh, comment pouvez-vous dire cela, en vous rappelant tout ce que nous avons traversé ensemble ?»« Vous ne me devez rien, » reprit-il, « tandis que moi, je vous dois tout, même une confiance tacite. Même si je succombe, j'aurai du moins à vous remercier de ceci, du seul désir noble que j'ai connu de mon existence. Il ne faut pas dire cela, ni le penser. Je ne le mérite pas. Vous ne diriez pas cela, si vous saviez. Peut-être puis-je en deviner assez pour me rassurer. » Aussitôt sur la défensive, elle lui jeta un regard oblique de défi. « Pourquoi ? » balbutia-t-elle. « Que pensez-vous ? Quelle importance cela a-t-il, ce que je pense ? Cela en a pour moi, je désire le savoir. » « Eh bien, » fit-il à regret, « je pense que quand vous avez eu l'occasion de réfléchir calmement aux choses, en attendant là-bas dans le jardin, vous avez décidé qu'il serait mieux d'obéir à la raison et de vous dépêtrer d'une situation embarrassante. » « Vous croyez cela ? » interrompit-elle sincèrement. « Vous croyez cela, après avoir eu confiance en moi, après m'avoir confessé que vous m'aimiez, après m'avoir dit tout ce que cet amour signifiait pour vous ? Vous croyez après tout cela que je vous ai volontairement abandonné parce que j'ai soudain compris que vous aviez été le loup solitaire ? Je regrette de vous avoir blessé, mais que puis-je d'autre ? Mais vous avez tort, affirma-t-elle véhémentement. Tout à fait tort. C'est moi qui ai fui, moi, et non pas vous. Et j'avais en outre un motif que je ne puis vous expliquer. C'est vous-même que vous avez fui, et non pas moi ? Répéta-t-il abasourdi. Ne comprenez-vous donc pas ? Pourquoi me rendre cet aveu si pénible ? Pourquoi me faire dire ouvertement ce qui m'afflige à un tel point ? Oh, je vous en supplie. Mais si vous ne voulez pas comprendre autrement, il faut bien que je parle, ce me semble. » Elle s'arrêta, le souffle coupé, toute rouge et tremblante. « Vous vous rappelez notre conversation d'après-dîner, l'autre soir, quand je vous ai demandé ce que vous feriez si vous veniez à découvrir que vous vous étiez mépris sur mon compte, que je vous avais trompé, et quand je vous ai dit de plus qu'il me serait impossible de vous épouser ?» « Je m'en souviens. C'est pourquoi je me suis enfuie, parce que je n'avais pas parlé à la légère, parce que vous vous êtes mépris en effet sur mon compte, parce que je vous ai trompé, parce que je n'aurais jamais pu vous épouser, et parce que j'ai fini par comprendre que si je ne partais pas sur le champ, je ne trouverais plus jamais le courage de vous quitter, et qu'il ne sortirait de tout cela que de la souffrance et du malheur. Il me fallait partir, autant pour vous que pour moi. Vous voulez me faire entendre que vous avez découvert que vous commenciez à m'aimer, n'est-ce pas ? » Elle tenta de parler, mais y renonça enfin, et ne lui répondit que par une muette inclination de tête. « Et vous vous êtes enfui parce que l'amour était impossible entre nous ?» De nouveau, elle s'inclina en silence. « Parce que j'ai été un malfaiteur, je présume. Vous n'avez pas le droit de dire cela. Que puis-je penser d'autre ? Vous me racontez que vous avez craint que je puisse vous persuader de devenir ma femme, chose que pour une raison inconnue de moi, vous déclarez impossible. Quelle autre explication puis-je envisager ? Quelle autre explication peut-il y avoir ? Celle-ci répond à tout, et elle ne me donne pas le droit de me plaindre, Dieu sait. » Elle tenta de protester, mais il l'interrompit. « Il y a une chose que je ne comprends pas du tout. S'il en est ainsi, si c'est votre répugnance envers la société des criminels qui vous a fait me fuir, pourquoi êtes-vous retourné auprès de Bannon ? Vous saviez cela ? Je vous ai vu, hier soir, et je vous ai suivi depuis le restaurant Vielle jusqu'à votre hôtel. Et vous avez cru ? » lança-t-elle d'une voix frémissante. « Vous avez cru que j'étais en cette compagnie de mon propre gré ? Vous ne sembliez aucunement abattu, répliqua-t-il. « Voulez-vous me faire entendre que vous étiez avec lui contre votre volonté ?»« Non, » répondit-elle avec tristesse. « Non, je suis retournée auprès de lui volontairement et sachant parfaitement ce que je faisais. »« Par crainte de lui ? » ?»« Non, je ne prétends pas cela. »« Plus que de moi ?»« Vous ne comprendrez jamais, » fit-elle avec une sorte de lassitude. « Jamais. C'était une question de devoir. Il me fallait retourner. Il le fallait. » Sa voix se brisa en un petit sanglot. Mais lorsque, entraînée par l'émotion, Lagnard allait prendre la main gantée de blanc qu'elle abandonnait sur la banquette à côté d'elle, elle la retira d'un prompt geste de refus. « Non, s'écria-t-elle, je vous en prie, ne faites pas cela, vous me rendez la chose encore plus dure. »« Mais vous m'aimez ?»« Je ne le puis, c'est impossible, je voudrais bien, mais je ne le puis. »« Pourquoi ?»« Je ne saurais vous le dire. » »« Si vous m'aimez, vous devez me le dire. » Elle se tut, et ses mains blanches tourmentèrent nerveusement son mouchoir. « Lucie, reprit-il, vous devez me dire ce qui se dresse entre vous et votre amour pour moi. » « C'est vrai, je n'ai pas le droit de le demander, pas plus que je n'ai celui de vous parler d'amour. Mais après tout ce que nous avons dit, nous ne pouvons en rester là. Vous voulez me le dire, ma chérie ? C'est impossible. Mais vous ne pouvez exiger que je me contente de cette réponse. »« Oh ! S'écria-t-elle, comment puis-je me faire comprendre ? Quand vous avez parlé de la sorte, cette nuit-là, il m'a semblé que l'aube d'un nouveau jour se levait sur ma vie. Vous m'avez obligée à croire que j'en étais la cause. » Vous m'avez mise plus haut que vous, là où je n'avais pas le droit d'être. Mais le fait que vous me jugiez digne d'y être m'a rendue fière et heureuse. Et pour un peu, dans mon aveuglement, je me serais crue digne de votre amour et de votre respect. Je pensais que si je pouvais être aussi forte que vous pendant cette année que vous me demandiez pour prouver votre force de volonté, je vous accorderais mon amour, vous dirais tout et me verrais pardonner. Mais je me trompais, et je suis bientôt à quel point. Il ne m'est plus resté qu'à vous quitter et à tout prix. Elle cessa de parler, et le silence se prolongea plusieurs minutes. N'eût été sa respiration rapide et convulsive, la jeune fille demeurait comme une femme de pierre, à regarder par la fenêtre d'un œil sec. Et Lagnard également demeurait immobile, et son cœur en sa poitrine était aussi lourd et froid qu'un caillou. À la fin, relevant la tête, il prononça d'une voix morne et creuse, dont il perçut lui-même l'étrangeté. « Vous ne me laissez pas d'alternative. » Je ne puis penser qu'une chose. Pensez ce que vous voudrez, fit-elle d'une voix blanche, peu importe dès lors que vous renoncez à moi, que vous me rejetez de votre cœur et que vous me laissez. Sans autre réplique, il se pencha en avant et frappa au carreau. Et comme la voiture obliquait vers le trottoir, il posa la main sur la poignée de la portière. Lucie, supplia-t-il, ne me laissez pas partir croyant. Elle parut prise tout à coup d'une hostilité implacable. « Je vous répète, fit-elle avec âpreté, que peu m'importe ce que vous pensez dès lors que vous partez. » Elle avait le visage cendreux, la bouche dure, et ses yeux brillaient de fièvre. Et alors, comme il hésitait toujours, la voiture s'arrêta, et le chauffeur, allongeant le bras derrière lui, ouvrit la portière. Avec un salut bref et résigné, Lagnard se leva et descendit. Aussitôt, la jeune fille se pencha en avant et saisit le porte-voix. La portière claqua. La voiture s'éloigna et laissa l'aventurier sur place, dans la pose et avec le geste de celui qui vient d'ouïr son arrêt de mort. Quand il se réveilla au sentiment de ce qui l'entourait, il se vit arrêté à un coin de l'avenue du Bois. Il faisait un froid aigre. Le vent soufflait en rafale de l'ouest et la nuit commençait à tomber. Seul dans le ciel au-dessus du bois, s'attardait une longue zone de lumière carminée, sur laquelle se détachaient en silhouette grimaçante les arbres dépouillés. Tandis qu'il regardait, le carmin se dégrada rapidement et passa au mauve, puis au violet, et enfin au noir.